Nous allons maintenant patauger un peu dans les tourbières. Elles sont souvent considérées comme des mal-aimées, boueuses, humides et pleines de mouches. Pourtant, les tourbières forment un écosystème unique en son genre. On y retrouve même des plantes carnivores, oui, même au Québec, des orchidées également, de même qu'une ressource qui alimente toute une industrie, je parle de la tourbe. Alors, pour nous en parler mieux, bien, j'ai en face de moi Christian Dupont, que nous retrouvons avec plaisir à Futur Simple. Bonjour Christian. Bonjour Valérie. Donc, tu vas nous faire découvrir ce milieu qu'on connaît pas très bien, oui, qu'on néglige. Qui est pourtant assez... Il y a plusieurs tourbières au Québec, c'est juste qu'on les voit pas. Il y en a même pas loin d'ici, oui, sur la rive sud à Lévis. Oui, là, oui, on peut la visiter même. À la Plaie Bleue. Oui, à la Grande Plaie Bleue, c'est sur les terres de la Couronne, donc on peut même aller voir. Il y a même, je crois, un petit groupe de gens qui sont fans. Il y a un site internet, vous tapez ça, vous pouvez aller visiter. Bon, il y a beaucoup de tourbières au Québec. Donc, tout d'abord, comment ça se forme, une tourbière? C'est intéressant comme processus parce que c'est sur une très, très, très longue échelle. Ouais. Ça se fait pas comme ça, il faut des conditions très précises. Ça s'échelonne sur plusieurs siècles et ça consiste à accumuler et à fossiliser lentement des débris végétaux dans des terres humides. Donc, pourquoi dans une forêt, c'est pas une tourbière? C'est parce bon, les feuilles tombent, ils se décomposent, mais il y a de l'air. C'est pas submergé dans l'eau. Donc, si c'est oxygéné, ça devient de la terre et le cycle recommence. Dans une tourbière, c'est anoxique. Le niveau d'eau est très, très élevé. Donc, au lieu de se décomposer, c'est comme si ça se bioaccumulait puis ça devenait de plus en plus épais. Donc, c'est vraiment un processus de formation. Et pourquoi l'eau, il y a toujours de l'eau? C'est parce qu'il y a une nappe phréatique qui affleure? Oui, c'est des particularités géographiques qui font qu'à un certain endroit, la nappe phréatique ou le réseau hydrologique est différent. Donc, c'est ce qu'on appelle une tourbière. C'est vraiment une accumulation de plus... pendant plusieurs centaines d'années, voire millénaires, de débris végétaux. C'est un peu un intermédiaire entre le pétrole, je dirais. À un moment donné... Si on attendait vraiment longtemps... Vraiment très longtemps, 10 000 ans, 500 000 ans, ça pourrait devenir du pétrole. C'est un peu un intermédiaire. Au Canada, c'est très développé, ces terres humides-là, depuis le recul des glaciers, parce que ça a fait une topographie avec beaucoup d'eau. Donc, il y a plusieurs tourbières qui ont entre 5 000 et 10 000 ans. Puis, la composition physico-chimique, c'est intéressant, d'une tourbière, comme on dit, elle dépend de plusieurs facteurs parce que, il y a le type de végétation qui arrive, il y en a dans le nord, il y en a dans le sud, le climat, l'acidité de l'eau. L'eau est souvent très acide dans les tourbières. Ah oui, donc c'est pas partout pareil. Effectivement, j'imaginais les tourbières toutes pareilles comme non, au nord, mais c'est pas la même végétation. Quand on s'y penche, il y a plein de types de tourbières. Ça commence toujours par être formé par un site qui est mal drainé, donc au pied d'une montagne, il y a quelque chose, la nappe phréatique qui est élevée, ça se draine pas, là. Donc là, il y a des végétaux spécifiques qui aiment ce type de milieu-là qui commencent à s'installer. Donc le trou d'eau un peu va se refermer ou la nappe d'eau. Et puis tranquillement, ça va devenir une tourbière. Donc la tourbière est constituée majoritairement d'eau et de cendres. De cendres? Oui, c'est spécial. Cendres, ça implique de la matière organique qui est très décomposée finalement. Ouais. Le feu, c'est de la cendre, c'est juste que ça s'est décomposé très, très rapidement. Ouais. Et une tourbière, c'est de la cendre, ça s'est décomposé très, très lentement. Donc, en 80-90%, c'est de la matière organique. Ouais. Et puis, le taux de croissance des sphaignes. Les sphaignes, ça, c'est les plantes qu'on retrouve majoritairement sur une tourbière. Les genres de mousse, pour quelqu'un qui est déjà allé, là, c'est... Ça vit pas dans la terre, ça vit dans l'eau. Ça vit en grand, grand tapis. Et puis, Puis le tapis grossit, s'épaissit d'année en année. Exactement. Donc, une sphaigne, ça peut grossir entre 10 et 12 cm d'épaisseur par année. Ah oui, quand même. Mais ça se compacte. Ah. Donc, en étant très compacté, on dit qu'une tourbière a une croissance d'épaisseur entre 0,5 et 1 mm par année. Donc, finalement, ça devient plus modeste. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a différents types de tourbes selon l'âge? Parce que tu parles d'un épaississement, donc j'imagine il y a peut-être parlé de tourbières qui avaient entre 5 000 et 10 000 ans. 10 000 ans, donc il y a vraiment plein de stades, évidemment. Oui, donc c'est ça, quand on creuse, quand on regarde à différents niveaux, exactement, ça va faire différentes compositions. Oui, exactement. Par exemple, juste au départ, la tourbe, pour ceux qui ne sont jamais dans une tourbière, le meilleur moyen d'en voir la matière et non pas la tourbière, c'est aussi d'aller au centre horticole. On achète de la mousse de tourbe, on met ça dans des pots de fleurs, les serres, tout le milieu horticole utilise beaucoup ça. C'est une matière qui est spongieuse, qui est fibreuse, puis qui absorbe l'eau. On utilise ça pour consolider les sols, un peu donner de la... Puis, il y a de la tourbe qui est très pâle, il y a de la tourbe un peu brune, puis il y a de la tourbe noire selon le taux de matière organique. Donc, souvent... Plus elle est vieille, plus il y a de la matière organique qui a été accumulée au fil du temps, donc plus elle est foncée. Donc, Donc ça veut dire qu'en surface, ben, quand on garde, si on fait une coupe dans la tourbière, en surface on retrouve de la tourbe claire, et plus on creuse profondément, plus elle est sombre. Okay. Et puis par exemple, une tourbière qui est âgée, qui est foncée, peut contenir jusqu'à 60% de carbone, de matière organique, et ça brûle très très bien. C'est un combustible, comme du charbon, qui est aussi du carbone. Donc, en Écosse, en Irlande, où ils n'ont pas beaucoup d'arbres, et il y avait beaucoup de tourbières, et c'est un combustible qui est moins utilisé maintenant, mais je crois que ça existe encore, comme du charbon, pour se chauffer. Mais il faut le faire sécher, par contre. Il faut faire sécher. Il y a tout un processus. Et puis, ça reste une ressource. Bref, j'en parlerai un peu plus tard. Il y a un débat, mais est-ce que c'est une ressource renouvelable ou non? Ah. Parce que l'échelle de temps est tellement longue. C'est pas comme un minéral, mais c'est pas comme une forêt. Ça prend 1000 ans. Si ça pousse d'un millimètre par an, il faut en prélever 1 mm par an. Et oui, il faut avoir les conditions particulières pour que ça repousse. C'est pas évident de restaurer une tourbière. Donc, la tourbe blonde, souvent, comme je dis, c'est de la tourbe qui est pas très récemment décomposée, on dirait. Elle peut retenir beaucoup, beaucoup d'eau. La tourbe brune, elle est moyenne. Et la tourbe noire, on appelle, c'est elle qui sert de combustible. Et on la retrouve souvent dans les tourbières qu'on appelle ombrotrophes. Je vais expliquer ce que c'est. Et puis, comme je disais, la tourbe noire, c'est vraiment une étape intermédiaire à la formation de charbon aussi. Donc, les mines de charbon, avant, il y avait des vieux végétaux qui étaient décomposés il y a des milliers d'années. Donc, c'est un peu... Il y a aussi une échelle qui classifie ça. Donc, il y a une échelle pour tout maintenant. Il y a même une échelle pour classifier le taux de décomposition des tourbières, de Von Post. Donc là, effectivement, tu as parlé d'une tourbière ombrotrophe. Bon, un drôle de nom. Donc, qu'est-ce que c'est, cette tourbière ombrotrophe? Eh bien, il y a deux grands types de tourbières. Ouais. Là, j'ai parlé d'ombrotrophes. Et ça dépend souvent beaucoup du régime hydrique. Comment, c'est quoi le portrait de l'eau en dessous de ça? Il y a certaines tourbières qui sont, on regarde, c'est lisse, c'est plat, il n'y a rien à part de la mousse. Il y en a d'autres, il y a beaucoup d'arbres qui poussent. Donc, il y a différents types de tourbières. Donc, s'il y a beaucoup d'arbres, le niveau d'eau est forcément plus bas parce que les arbres ne vivent pas complètement submergés. Et les racines fait qu'ils font baisser l'eau autour d'eux. La tourbière ombrotrophe, ombro veut dire pluie, et ou bog, on appelle également ça. Ça, c'est un type de tourbière qui est seulement alimentée par les eaux de pluie, par les précipitations. Il n'y a pas vraiment d'autres apports de nutriments, de sels minéraux. Il n'y a pas un réseau souterrain très développé. C'est comme un réceptacle un peu fermé, je dirais. Donc, c'est des sphaignes particulièrement qu'on retrouve là. L'eau est très acide parce que c'est juste les pluies qui sont souvent acides qui tombent là. Donc, c'est ça, c'est assez pauvre. Et il y a des végétaux particuliers qu'on retrouve dans les tourbières comme ça. Beaucoup les sphaignes. Les éricacées. Les éricacées, ça, c'est les bleuets, par exemple. Les bleuets, c'est les éricacées. Donc, ça peut pousser dans les tourbières. Il y a des tourbières, particulièrement celle, par exemple, à la Grande Plaie Bleue, qui est à Pintendre, juste sur la rive sud. C'est la manne des bleuets sauvages. Pour y atterrir dans l'époque, c'est un champ à ciel ouvert de bleuets sauvages. Et on retrouve beaucoup de l'épinette noire, du mélèze. Ils aiment beaucoup les sols acides, assez sablonneux. C'est parfait. Et puis... c'est ça, il y a juste des précipitations extérieures qui alimentent. Qui alimentent, Il y a la tourbière minérotrophe, donc, ou un fen. Alors, on est dans les bogues, on est dans les fens. Minérotrophes, minéraux, veut dire qu'ils ont des apports en minéraux supplémentaires, pas juste la pluie. Qui est apporté par quoi? Par le sol. OK. Donc, c'est comme si c'était la nappe phréatique, il y a plein de ramifications dans le sol. Ça donc, circule et ça fait remonter. Ça circule, donc la nappe phréatique est vraiment presque au niveau du sol. On marche là-dedans, c'est soit on peut, en bon français, là, on cale, il faut des bonnes bottes de pluie. Puis elle est alimentée par des eaux qui sont plus riches en minéraux, donc ça ne fait pas une tourbière qui a la même allure. Ils ont souvent d'autres types d'herbacées, d'autres types de mousses. Quand on a visité quelques tourbières, on voit rapidement la différence. Ce n'est pas du tout les mêmes végétaux qu'on voit. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on trouve justement comme végétation dans les fens ou dans les bogues? On va les appeler fens et bogues, c'est plus rapide à prononcer. Ben, dans les régions boréales, dans le nord du Québec, il y a énormément de tourbières. C'est très à la baie James, dans ce coin-là, il y en a beaucoup. Dans le sud du Québec aussi, dans le Bas-Saint-Laurent également, il y en a beaucoup. On retrouve évidemment... des sphaignes. Les sphaignes, c'est ce qui fait la mousse de tourbe. C'est de la mousse de... C'est de la mousse de sphaigne. Donc, c'est vraiment l'espèce qu'on retrouve. Le genre, plutôt, il y a plusieurs espèces. Puis ils ont un rôle très, très important parce que c'est elles qui absorbent, qui préparent le terrain pour toutes les autres espèces mm-hmm. aussi. Puis c'est ce qui est exploité commercialement. Donc, les bugs, puisqu'ils sont assez pauvres en éléments et très acides, on trouve des espèces, comme je disais, qui aiment les sols acides. Bon, les bleuets, le thé du Labrador, c'est là qu'on retrouve ça. Des plantes carnivores, ça, je vais faire une parenthèse. Ouais. Des plantes carnivores au Québec. La Saracénie pourpre, qui est très belle. Pendant l'été, on peut en voir, là, vous regardez ça sur... faut voir sur Internet de quoi ça a l'air, mais c'est gros, c'est plus assez évident. Oui. Puis c'est un long tube, un peu bourgogne. Mm-hmm. Puis c'est pas une plante carnivore avec des mâchoires, mais c'est vraiment fait comme un genre de réceptacle qui attire les mouches qui tombent dedans et puis qui se font digérer. Ah, il y a des super beaux végétaux, ça c'est très, très beau à voir. Et la canneberge aussi, la camarine noire, des petits fruits qui aiment l'acide, l'épinette noire également. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les... Donc dans les bogues, là, les ombrotrophes. Exactement. Donc c'est ça. Les autres, les faines, je crois que vous appelez là. Les faines, bon ben c'est un peu différent parce que bon il y a des eaux souterraines là-dedans, donc il y a beaucoup plus de quenouilles, souvent les fameuses quenouilles qui sont comestibles d'ailleurs. Pour ceux qui s'intéressent, oui, ça se mange. Il y a d'autres les carex, sans dans les détails. Les carex, c'est les grands gazons, entre guillemets, les grands fruits voit un peu non identifiés, mais c'est toute une famille qu'on appelle les carex. On peut trouver de l'iris, de l'ombre, du genévrier, d'autres espèces finalement. C'est juste un autre milieu qu'on peut retrouver. Il y a des plantes rares pour être allé cet été dans une tourbière où on voyait des orchidées. Mm-hmm. Moi, j'avais jamais vu d'orchidées au Québec en milieu naturel. Non? Non, j'avais jamais vu ça. Et puis, il y en a des rares qui existent à seulement quelques endroits au Québec. C'est vraiment une végétation mm-hmm. qui vaut la peine d'être de s'y intéresser. Là, c'est vraiment un milieu qui a l'air, au départ, ordinaire, où il se passe rien. C'est pas comme dans la forêt. C'est un milieu qui a l'air ordinaire, parce que, bon, c'est pas comme la forêt, mais c'est pas un milieu dans lequel on a envie de mettre les pieds, a priori. Non, c'est plutôt ça. Beaucoup de mouches l'été aussi. On dit, comment on va y aller? On va y laisser nos bottes et elles vont rester prises. Oui, c'est ça. Mais oui, d'ailleurs, en Scandinavie, il y a beaucoup de tourbières également, tout dans le cercle nordique de la Terre. Puis, ils ont retrouvé des cadavres momifiés dans les tourbières, parce que l'eau est très acide. Ça conserve, puis c'est un peu comme une marinade, excusez-moi la comparaison, mais dans le vinaigre un peu, c'est très acide. J'ai retrouvé des gens momifiés de 2000 ans des tourbières. Ça, c'est vraiment un endroit particulier. Là. Alors, on a un point qu'on a juste abordé là, brièvement, c'est qu'on exploite les tourbières également. Oui. Donc, elles sont où ces tourbières qu'on exploite? Et puis, on en fait quoi? Bien. Les tourbières, ça couvre environ 12 % du Canada en superficie, ce qui est quand même considérable, 12 % 100 millions d'hectares environ. Donc, la plupart, comme je disais, sont dans les régions nordiques. Les 300 000 km² de tourbières dans les basses terres et dans la baie du Tisson seulement. Donc, c'est le nord du Québec, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tourbières. Donc, au Québec, c'est particulièrement dans le Bas-Saint-Laurent, au Lac-Saint-Jean et dans Chaudière-Appalaches qu'on en retrouve. Et donc, c'est là qu'il y a de l'exploitation de tourbières industrielles. Mm-hmm. Donc, il y a environ 0,08% des tourbières qui sont exploitées au Québec en surface. Et c'est à des fins horticoles essentiellement? Oui, particulièrement à des fins horticoles. Je crois que c'est vraiment l'usage principal parce que la tourbe, on va favoriser la croissance des végétaux, aide à la pénétration de l'eau, développement des racines et tout ça. Mais il y a aussi d'autres usages, l'absorption de polluants dans certains contextes, dépollution de l'eau, ça peut être utile. Les soins corporels. Ça peut être filtrant ou... Oui. Traitement des eaux usées, les soins corporels également. Ah, donc, d'autres peut-être usages que c'est un usage en développement, peut-être le traitement des eaux usées d'ailleurs. Oui, ça serait intéressant. Et donc, on en parlait un petit peu au début. Bon, on l'exploite, mais est-ce que c'est renouvelable? Est-ce qu'on travaille là-dessus? Bien, c'est délicat. Aussi, ils ont toute au Nouveau-Brunswick, j'en ai pas parlé, mais au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de tourbières. C'est une grande industrie, encore plus qu'au Québec. Il y a des îles au Nouveau-Brunswick où c'est vraiment... il y a le ministère des ressources naturelles a beaucoup travaillé là-dessus pour établir des lois, des règlements pour bien restaurer les tourbières et puis pour s'assurer d'avoir une exploitation durable. Parce que justement... il y a un débat, est-ce que c'est une relation, une ressource durable ou pas? Parce que vu la vitesse, la lente vitesse avec laquelle ça se sur une échelle géologique, les miniers, tout ça, c'est très court, mais c'est pour une échelle de végétation ou de la vitesse de l'industrie, ça l'est pas vraiment. Mm-hmm. Donc, d'où l'importance d'avoir une restauration de tourbière. Une fois qu'elle est exploitée, que la machinerie est passée, on a ramassé la tourbe, comment on fait pour que ça redevienne une tourbière? Parce que c'est faut des critères particuliers qu'on a modifiés en exploitant. On a modifié. Alors, est-ce que les conditions sont encore propices à la croissance de la tourbière? C'est ça. Donc, pour restaurer, la grande clé, c'est de remettre le niveau d'eau aussi haut qu'il était. Parce que, par exemple, moi, je vais exploiter une tourbière. C'est tout ce qu'on peut. La machinerie n'ira jamais là-dessus. Donc, on fait des canaux, on draine tout ça. Donc, on fait baisser le niveau de l'eau. On assèche tout et on récolte. Mais après ça, si on s'en va, le niveau de l'eau est bas, il ne va pas remonter tout seul. Les espèces ne vont jamais revenir par elles-mêmes. Donc, après la récolte, il va y avoir comme un réépandage de morceaux de sphaigne, comme pour ensemencer. Exactement. On va protéger ça. Puis après ça, on va bloquer les canaux qu'on avait creusés pour faire remonter le niveau de l'eau comme il était. Et favoriser la réapparition des bonnes espèces. Parce que si on laisse ça aller, il va y avoir des graminées, ça va redevenir un champ ou une forêt, mais ça ne sera pas une tourbière. Donc, c'est délicat. Puis maintenant, il y a beaucoup de recherches qui se font à l'Université Laval. Je crois qu'il y a une chaire, d'ailleurs. Oui. Il y a une chaire de recherche. Le groupe de recherche en écologie et restauration, groupe de recherche en restauration et écologie de tourbières à l'Université Laval, qui sont les spécialistes dans le domaine, avec le professeur Lynn Rochefort. Donc, il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Puis ça s'améliore avec le temps à ce niveau-là. Eh bien, je pense que c'est un bon aperçu des tourbières que tu nous a fait là, Christiane. Merci. Au plaisir que ça pique la curiosité. Oui, d'aller voir celle qui n'est pas si loin de chez nous. Oui, c'est intéressant. Sur la rive sud. Ben, merci beaucoup, Christiane. Puis on te revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Alors, on va faire une pause publicité sur CKRL et vous écoutez toujours le 89.1.